à l'ombre de nous restera toujours. Au nom de l'amour, un goût d'éternité. Au nom de notre amour, une ombre va rester. Cette ombre de nous, combien de soleil brûlant notre ciel ont dû se concerter. Qu'au nom de ces soleils, une ombre va rester. Ces soleils, ils sont si chauds, ils sont si forts, qu'ils nous brûlent et qu'ils nous dévorent encore, encore, encore. Ils ont des noms de pacotille, l'amour, le respect, la folie. C'est la confiance et le courage, c'est le bleu des livres d'images. C'est ce que tu attends de moi, c'est tout ce que j'attends de toi. À l'ombre de nous ne pourra fleurir aux jours à venir rien d'autre que beauté. Même en pensant au pire, une ombre va rester. Cette ombre de nous, les mille soleils d'un amour pareil n'y pourront rien changer. Car des premiers soleils, une ombre va rester. Ces soleils, ils sont si chauds, ils sont si forts, qu'ils nous brûlent et qu'ils nous dévorent encore, encore. Ils ont des noms qui font sourire, c'est la passion, c'est le délire, c'est le panache et la tendresse, c'est le bleu de notre jeunesse, c'est tout ce qui me survivra. Tout ce qui à jamais vivra. À l'ombre de nous,